Les 23 leçons. La méfiance envers l'argent vient de Platon, pas de la Bible hébraïque. Être saint, c'est être utile à une fonction, pas être gratuit. La gloire est une densité technique qui a un coût réel. Bénir, c'est transférer des ressources réelles, pas faire des compliments. Le vrai culte est la vie entière. L'église locale est un kyriakon. G 2960. Travailler, cultiver et servir Dieu sont un seul et même mot. Le chantre est un expert de métier, Racine Shire, pas un simple bénévole. L'œuvre et son salaire portent le même nom. Ils sont indissociables. Le Nouveau Testament lie l'honneur au salaire explicite pour l'ouvrier. L'institution est une propriété humaine. Ses règles ne sont pas divines. Un membre non nourri fait souffrir tout le corps. Sonder la vérité est une noblesse spirituelle. Le gombo est un leurre. La gratuité n'est une vertu que si elle est volontaire et éclairée. L'amour protège la dignité de l'autre et refuse l'exploitation. Servir Dieu, c'est pratiquer la justice. La gloire de Dieu exige une densité qui ne peut être gratuite. S'incliner, adorer est gratuit. L'expertise musicale a un prix. Ne pas confondre le don spirituel et la compétence acquise par le labeur. Paul possède le droit, autorité-pouvoir, mais choisit d'y renoncer. On rémunère la fonction qui découle de l'appel, comme pour les pasteurs. Dieu ordonne aux institutions de payer le salarié. L'injustice n'est jamais une contrainte budgétaire légitime devant Dieu. Le musicien est le saint des saints. Sa dignité est inaliénable.